Ok. Yo, cherche pas à comprendre. Non, non, ça, RNAGE, frangin. Yo, écoute. Ok, yo, yo, cherche pas à comprendre. Non, je me casse la tête, je suis jamais content. Je m'énerve pour rien, c'est dans ma tête, les rêves, je contemple. Je suis sûr de moi, et ça, fallait pas le dire. J'en ai vu plus d'un parler, comme plus d'un partir, ouais. Et pour l'instant, je m'en tire pas trop mal. Dans certains cas d'angoisse, je sais pas quoi faire. Donc, trop vite, je pète un cap, c'est clair. Je fuis de cette galère, mon envie de c'est un pas, mais à pas, déjà pas noir. Je suis pas le seul à vouloir me tailler d'ici. Sans blague, sans tu penses que la vie est belle, viens par chez moi. Tu verras ce qui se passe, ce qui s'y cache. Je te fais pas de schéma, du style flemmard à gratter ce papier toute la nuit. Insomniaque comme ma witch, je préférerais être cash. N'essaye pas de me rouler, ou je risquerais de me mettre en pétard. Crame pas toutes tes thunes dans ces vices créés par l'État. Et les tasses qui parteront, on les connaît. J'ai pas de travail, mais sache que j'ai des collègues qui en colère. Je cherche pas à comprendre. Y'a trop de questions sans réponse, je pense qu'on verra pas la paix, plutôt la fin du monde. Façon, on verra par après, n'écoute pas leurs mensonges. Tiens bon, même si certaines personnes que t'aimes manquent à l'appel, cherche pas à comprendre. Y'a trop de questions sans réponse, je pense qu'on verra pas la paix, plutôt la fin du monde. Façon, on verra par après, n'écoute pas leurs mensonges. Tiens bon, même si certaines personnes que t'aimes manquent à l'appel. Puis dans la vie, faut faire des choix, et pas toujours les bons. C'est vrai, certains n'y arriveraient pas. Pas si fier de passer rancunier envers l'État. J'ai voulu me casser d'ici, on m'a dit de rester là. Puis je marche droit, but faut pas donc si t'en fais gaffe, casse-toi. Lâche-moi la grappe car en vérité l'heure se fait grave mal. Grave ma rage, oh my god, j'ai pas de cash, faudrait qu'on me braque quoi. J'touche du chômage, donc dans ce cas-là tous les jours c'est la fin de moi. Quoi, dis pas que je rêve de faim moi. Cette fois-ci c'est trop, une pensée à ceux qui dorment et meurent dehors dans le front. Foiré, t'as pas compris, faudrait peut-être un dessin. Le destin c'est quoi ça. T'y crois ou t'y crois pas, l'avenir de l'homme est mis en cause à chaque fois. Je m'inquiète pour mes potes, mes proches et ma famille, le reste m'en parle pas. Faut même pas chercher à comprendre. Je suis coincé dans un monde où nul ne sait. Je cherche pas à comprendre. Y'a trop de questions sans réponse. Je pense qu'on verra pas la paix, plutôt la fin du monde. Façon, on verra par après, n'écoute pas leurs mensonges. Tiens bon, même si certaines personnes que t'aimes manquent à la paix. Cherche pas à comprendre. Y'a trop de questions sans réponse. Je pense qu'on verra pas la paix, plutôt la fin du monde. Façon, on verra par après, n'écoute pas leurs mensonges. Tiens bon, même si certaines personnes que t'aimes manquent à la paix. Cherche pas à comprendre. Y'a trop de questions sans réponse. Je pense qu'on verra pas la paix, plutôt la fin du monde. Façon, on verra par après, n'écoute pas leurs mensonges. Tiens bon, même si certaines personnes que t'aimes manquent à la paix. Cherche pas à comprendre.